Okay, I'm T-Ray Garrett from Jamaica Sun. Si vous l'appelez tout est à côté de tête, si nous entraînons dans le problème qui nous amène de rue païenne, de comme envie de haine.